Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa mittaba'um bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Bon, je m'excuse encore, comme pour le dernier épisode précédent, je suis toujours enrhumé. Avant un peu prise, donc. Si jamais ça impacte sur le calme, ce n'est pas de ma faute. Donc dans le dernier ders, on a pris trois hadiths. On avait pris Azab al-Kabr, châtiment de la tombe, les man yastahiquhu, pour qui le mérite. Et quelles sont les principales causes qui provoquent Azab al-Kabr, qu'on a visité? Al-Boul, et ça, c'est al-Boul. Al-Boul, et ça, c'est al-Boul, ça, c'est un maral, c'est une maladie, l'incontinence, c'est pas de ta faute. Wa alaykoum salam, kif halouk. Salas el Boul, c'est la personne à l'excuser. Ouais. C'est une incontinence urinaire. Ouais. Tu vois, c'est à chaque fois ça coule et tout, malgré lui. Ça va aller. Mais là, c'est quelqu'un qui ne se. C'est quelqu'un qui ne se purifie pas de son urine. Ou alors qui urine aux yeux de tous. Et deuxième. Mawassani. C'est quoi le deuxième dans le hadith d'Ibn Abbas? C'est pas dans le kitab, mais on l'avait cité en guise de faïda. Al-Boul, Wassani. Ah, c'est lui qui a médisance. Ah, ça, Namima. Namima. Ou il l'a fait l'Azab al-Kabr, il y a qu'un. Fogzalika. Mais ça, c'est les principales causes que les gens se font châtier. Et l'Azab al-Kabr est âme, il est valable pour les musulmans, parmi les rossas et les koufars. Il est comme ça, le bas là, comme. Je dirais que je suis malade, donc. Shafak Allah directement. Un mojoud mari. طيب après on a pris également al-iman bi sirat wal haud wal mizan, la foi en le pont, le bassin et le mizan. Wa akhadna ash-shafa'a. Ash-shafa'a dhakarna laha thalatha shurut. On avait cité trois conditions pour la shafa'a. Shurut ash-shafa'a. Cette shafa'a elle a les trois conditions. Hein? Oui, bah justement ça. Ça rendrait les choses. Hein? C'est Allah qui décide. Awalan bi iznillah. Première chose, que Allah le permette. Ouais. Al shart al awal. Thani. Deuxième. Ça rend ce que tu disais. Non, c'est plus général. Les muslims, celui qui intercède, c'est quoi qu'il faut? Shafia. Mahalou. Celui qui intercède. C'est un muslim. Man yardallahu anhu. C'est une personne qui Allah l'agrée. Donc c'est un croyant. Ou à l'machfoula, celui pour qui on intercède. Kazalik. Il faut une personne qui a agréé. Il n'y a pas de chafara pour un mouchelik. Ma salade. Pour le mouchelik, la plus des personnes, il n'y a pas de chafara pour un mouchelik. Taïb, de Khouz al-Hadith, Assabi Achar. Après, alhamdoulilah, il reste 4 hadiths et on a fini Bab, Al-Tuhil, Wa'akida, et après, on rentrera dans d'autres abouab. Al-Hadith, Assabi Achar. عن جرير ابن عبد الله البهجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغربوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حديث متفق عليه. Selon Jabir, Jarir Afwan ibn Abdullah, il a dit que nous étions auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il s'est mis à regarder la lune. Laylat al-Badr, c'est la lune, une sorte de pleine lune. Il a dit, certes que vous verrez votre Seigneur, tout comme vous voyez cette lune, sans aucune gêne, de façon claire et limpide. Dans cette vision. Et c'est mieux d'être en mesure de ne pas délaisser la salat avant le lever du soleil, c'est-à-dire le fajr, et avant le coucher du soleil, c'est-à-dire le asr, alors faites-le. Et après, il a lu verset Allah dans le sens où il dit « Et glorifie la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. » Donc le Rawi, c'est Jarir ibn Abdullah ibn Jabir ibn Malik al-Bajali al-Qasri al-Amir, al-Nabil, al-Jamil, Abu Omar. Donc, dans son peuple, c'était un homme, c'était un leader, c'était un chef. Et il était très obéi. Et il s'est converti tardivement après l'année d'Al-Fath. Fath, c'est la conquête de Mecca. Et cela a lieu après la révélation de Sourate Al-Ma'ida. Et il a porté allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant Bayatullah sallallahu alayhi wa sallam ala at-ta'a wa sama-ta'a. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit on a porté allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'obéissance et l'écoute. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en compréhension dans ce que vous pouvez supporter. Et d'ailleurs, c'est un homme auprès de qui il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va rentrer par cette pièce un homme dont le visage est aussi beau que si il avait été touché par un ange. C'est Jarir qui est rentré. Fakana Jarir, Rajulan Jabilan. C'était un bel homme. Masha'Allah. Et Jarir Afwan n'a pas rapporté beaucoup d'ahadith. L'auteur il dit qu'il en a rapporté à peu près une centaine. Une centaine avec certains hadiths répétitifs. Après, Jarir s'est rendu à El-Koufa, il y a habité. Il y avait une demeure. Et il y est mort en l'an 54 de la Hijra. Et d'autres versions ont été citées à son sujet. Et il avait. Taïeb. Fa'afishar ha-kalimat. Les mots par rapport au hadith, bon, dans la tarjama, ça a déjà été fait. Et la baisse. Il a dit un soir, nous étions auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فَنَظَرَا إِلَى الْقَمَرْ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Donc c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a regardé la lune un soir, c'était un soir de pleine lune. C'était apparemment la 14e nuit du mois. Et il leur a dit إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ. Certes, vous verrez votre Seigneur. يعني يوم القيامة. Le jour de la résurrection. Cela se passera à deux reprises. فِي غَرَصَةِ الْقِيَامَةِ wa fil jannah. Fi ghorasat al-qiyamah, Allah Azzawajal va venir d'une apparence n'étant pas telle qu'il s'est décrit. Donc ils vont le voir, ils vont dire, il va dire, je suis votre Seigneur. Fa sayakul al-nas, iza ja'ana rabbuna, na'lifu rabbana. Si notre Seigneur vient, on le reconnaîtra. Puis Allah Azzawajal vient sous l'apparence qu'il connaisse de ce qu'il s'est décrit lui-même. Et là, ils l'ont reconnu. Il était dit également que les gens du livre, ou les munafiqoun, le verront. Quoi qu'il en soit, ceux qui le verront, qui ne sont pas parmi les croyants, ne le verront pas d'une vision réjouissante. Comme a dit Allah, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. Car certes, ils seront ce jour-là voilés de la vision de leur Seigneur, en parlant des koufars. Cela implique que les croyants, eux, le verront. Et ensuite, au Jannah, c'est la plus grande récompense qu'Allah Azzawajal puisse accorder aux croyants. Comme a dit Allah, lillazina ahsanul husna wa ziyada. Pour ceux qui ont bien œuvré, ils auront la meilleure récompense et bien plus encore. Et c'est le Jannah et encore plus le fait de le voir. Car lorsque les gens entreront au Jannah, Allah Azzawajal leur dira qu'il va donner aux gens plus encore. Ils vont dire: ne nous as-tu pas pardonné? Ne nous as-tu pas fait entrer ton Jannah? Ne nous as-tu pas blanchi nos visages? Il a dit, il va lever le voile et à ce moment-là, les croyants le verront. Et c'est ça que ce hadith stipule. Ils le verront d'une vision claire. D'accord? Et malgré tout, Yaqullah Azzawajal, Laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui est comme lui. Donc on le verra. Quand je dis on, c'est les hommes, bien sûr. Quand je dis on se comprend, hein. Je ne me permets pas de me dire comme moi, voilà quoi. C'est un on général. Donc les croyants le verront. Ça y est. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a comparé la vision de la lune, non pas pour dire que Allah azawajal est visible comme la lune, dans le sens que Allah ressemble à la lune, sûrement pas. Mais du fait que autant que vous voyez la lune de façon limpide, vous verrez Allah Azzawajal de façon aussi limpide. D'accord? La lune, quand tu la regardes, il n'y a pas de problème, elle est apparente. Et bien, c'est ça le but, c'est de comparer la vision à la vision et n'est pas le visu au visu. D'accord? C'est un comparatif de vision à vision et non pas de visu à visu. Donc les croyants verront Allah Azawajal. C'est Mashtala que je rappelle souvent, que le Mashir cite. Est-ce qu'Allah Azawajal est visible en ce bas monde? Non, on ne peut pas le voir. Toi, tu dis quoi? Parce que Moussa, il a pas réussi à le voir. Tu crois que lui, on va... Ah. Le prophète Moussa, il a demandé... Je ne pas visible par rapport à lui. Par rapport au... Directement, quoi. Oui, il a fait. Hein? C'est pas possible de voir Allah Azawajal? Là, tu dis quoi? Le corps, il n'est pas adapté. Hein? Le corps, il n'est pas adapté. C'est pas ça, en fait. Comme tu l'as dit, Qala Moussa, Rabbi, Arini, Anzur, Ilaik. Mon Seigneur, montre-toi afin que je te vois. Il a dit quoi, Allah Azawajal? Lan tarani. Tu ne me verras pas. Il n'a pas dit lan ura. Je ne suis pas visible. Tu ne me verras pas. C'est-à-dire que si Allah il veut, on peut le voir. C'est qu'il ne veut pas. D'accord? Et il a fait en sorte que cela ne puisse pas se faire, comme il a dit le frère, que physiquement on ne soit pas en mesure de supporter cette vision. Mais si Allah il veut, on le voit. Une vision qui sera supportable. Mais il ne veut pas. Cela veut dire qu'il n'est pas visible. Et s'il y avait cette question que Allah, c'était quelque chose qui était impossible, Allah Azawajal aurait blâmé Moussa, cette question. Tout comme il a blâmé Nuh alayhi salam lorsqu'il a dit Inna ibni min ahli, wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Lorsque Allah Azawajal a fait mourir la famille à Nuh, parce qu'Allah avait promis que il serait sauvé lui et sa famille, à Nuh. Et pourtant son fils a été pris par les vagues, il est mort avec les koufars. Et là, Nuh alayhi salam, il a dit, mon fils de ma famille. Et tu es le plus sage des juges. Quand là, il y a Nuh, la tas'al ma'al salaka bi'l'im, innahu amalun al salih. La tas'al ma'al salaka bi'l'im. Il a dit, oh Nuh, cette demande n'est pas correcte. Et n'interroge pas au sujet de son, tu n'as pas de chance. Donc là, Allah Azzawajal a fait un zajr à Nuh pour cette question. Et pourtant, est-ce que Allah Azzawajal a fait un zajr à Moussa qui a dit qu'il voulait le voir? Non. Il a dit, Unzur ila al-jibal, fa inastaqarra makanahu fa sawfa tarani. Il a dit, regarde à la montagne. Si elle se maintient, tu me verras. Ça veut dire que si Allah il veut, voilà. Et là, donc sinon, il aurait dit, c'est impossible. Il a dit, l'an ura, il a dit, l'an tarani, tu ne me verras pas. Vous voyez? C'est une masala comme ça, bon, elle n'est pas, tu vois. Ça veut dire que Allah, la kulishi qu'on dit, s'il veut qu'on le voit, on le voit, même dans cette dunya. Mais, il ne veut pas. Vous voyez? Il ne veut pas. Il a fait en sorte que cela ne se réalisera pas. Donc, on doit croire fermement que les croyants verront Allah Azawajal, d'accord, sous sa réalité. Fil Jannah. Au Jannah. Et ça, c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Et bien sûr, celle-ci ne peut avoir lieu que pour être après être entre au paradis, bien évidemment. Après avoir été pardonné, ce qui s'ensuit, et entre au Jannah. C'est la meilleure des. Oh, allez, comme ça, des récompenses. Taïeb. Et il a dit également, fin statartum Allah tughrabu. C'est-à-dire, si vous êtes en mesure de ne pas délaisser la salat comme le ghurub ishams, comme le tulu ishams, comme le ghurub iha. Avant le lever du soleil et avant son coucher. C'est une salat du fajr et salat du asr. Pourquoi ces deux salats en particulier? Ouais, pour le fait, parce qu'en fait, Allah, il rassemble toute la création. Si je ne me trompe pas, En fait, c'est parce qu'il appelle toute la création. Pour qu'il puisse. J'ai pas les mots exacts. En gros, Allah, il demande qu'on pour le fait, je vais passer. Non, ça, c'est le troisième tiers de la nuit. C'est un autre moment, c'est Sahur. En tout cas, si c'est quelque chose. En gros, c'est parce que pour le fait, il y a toute la création qui est appelée. Voilà, je cherche le bon terme. Mais... Pourquoi Salat el Fajr et l'Asr? Pourquoi pas Dhor el Maghreb ou el. Ah oui, pourquoi? Pourquoi cette Salat en particulier? D'où nous réunissons? Pourquoi dans ce hadith, À la base, toutes les salawat doivent être accomplies. Et pourquoi il a khassas ces deux-là? Ah, pour les hypocrites. C'est plus difficile. Hein. Non. Ça, pour les hypocrites, c'est le Fajr et l'Isha. Parce que c'est à ce moment-là que les anges se relèvent pour apporter les actes des serviteurs à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment du relais des malaïkas. Inna salatil fajr kana mashhouda. Que également c'est une salat, comme dit dans le Coran Allah Azza wa Jal, que c'est une salat durant laquelle les anges sont présents. Et il a dit dans le hadith, man taraka salat al-asr faqad habita 'amalu. Celui qui délaisse la salat du asr, ses œuvres sont annulées. Et là on parle de quelqu'un qui délaisse délibérément, pas par initiation et pas par contrainte, délibérément. Ses actes, ils sont annulés. Donc en fait le jugement il est valable pour toutes les salawat, mais celle-ci en particulier pour le relais des malaïka durant ces salat-là. يقول الشرح الإجمالي الإكسبيكاسيون جنرال يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما دل على ذلك قوله تعالى ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم nous informe que les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà, comme le prouve la parole d'Allah dans le sens où il dit des visages ce jour-là resplendissant regardant leur Seigneur. Regardant leur Seigneur. وبين أنه لا يحصل ازدهام ولا ضرر في رؤية الله تعالى في الآخرة كما أن الناس يرون القمر في الدنيا بغير ازدهام. Et il dirait que les gens verront Allah Azza wa Jal sans aucune gêne dans l'au-delà, tout comme ils voient la lune en ce bas monde sans aucune gêne. C'est pareil, c'est clair. Où que tu sois sur terre, sur la pleine lune, à part s'il y a des nuages, bien sûr, dans les choses, la pleine lune, tu la vois. Tu sois dans le ciel, dans un avion, tu sois sur mer, sur un bateau, tu sois sur terre, que tu sois en ville ou quoi, la pleine lune, tu la vois. D'accord ? Et tu n'as pas besoin de te battre ou de te chercher ou quoi. Elle est claire. Tu la vois. Donc, il en est de même pour la vision des croyants, pour leur Seigneur, Yom Al-Qiyam. وَيَرَوْنَ رَبَّهُمْ بِكُلِّ رَحَةٍ وَتُؤْمَنِينَ et qui verront leur Seigneur en toute quiétude et apaisement, et tranquillité. وَمِنْ أَسْبَبِ رُوْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ الْمُحَافَظَ عَلَى صَلَاتِ الْفَجَرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ فِي أَوْقَاتِهَا فِي الْجَمَاعَةِ. Parmi les causes qui permettent justement de voir Allah Azza wa Jal, le fait d'être régulier dans la salat du Fajr et du Asr dans leur temps en groupe. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ Munda, Ijma al ilmi ala Kaboul, Hada al-Hadith. Et que Ibn Munda a cité l'unanimité des gens de science que ce hadith est lui-même accepté, c'est-à-dire authentifié. Yakul, Fawaid al-Hadith, Izbat Royat al-Mu'minin irabbihim fil akhira wa yathabitatum bil Qur'an wa sunnati wa l'Ijma. Donc cela affirme la vision que les croyants ont de leur Seigneur dans l'au-delà. Et ceci est affirmé par le Coran et par la Sunna et par le consensus. D'accord. Et ça, celui qui délaisse cela, qui renie cela, d'accord, est plus possible. Thaniyan, al-tashbih fi hadha al-hadith li ru'ya bil ru'ya la lil mar'i bil mar'i li anna Allah laysa kamithli shay. Et là, la ressemblance dans ce hadith, c'est d'une vision à une vision, et non pas d'un visu à un visu. D'accord ? C'est la clarté de la vision. Et non pas le fait de comparer Allah à la lune. Car il n'y en a qui est comme lui. Il n'a pas d'équivalent. Thalithan, anna salat al-asr wa salat al-subh afdal al-salawat wa fihi ma tatajamma'u al-malaikatu wa tarfa' al-a'mal. Elle a dit que la salat du Asr et celle du Fajr sont les meilleures des salawat, car c'est au cours de celles-ci que les anges se réunissent et que les œuvres sont élevées auprès d'Allah. Rabi'an, anna al-muhafaza على حتين الصلاتين على ميقاتهما ووضوئهما وخشوعهما وأدابهما يرجى به أن يوجب النظر إلى الله عز وجل في الجنة. Et le fait d'être régulier à ces deux salawat dans leur temps, avec la purification, c'est-à-dire comme il se doit, avec la concentration, avec le comportement qui s'y rattache, cela implique le mérite de pouvoir voir Allah Azawajal au Jannah. Donc celui qui veut être parmi ceux qui voient Allah Azawajal au Jannah, il a un sabab là. Al-Muhafaza ala Salat al-Fajr wa Salat al-Asr. Selon leurs conditions respectables. طيب ثم قال الحديث السابع عشر والثامن عشر عفوا. Et là c'est le bab تحريم الابتداع في الدين. L'interdiction d'innover en religion. Et bien sûr, c'est le hadith clé de Aïcha qui vient tout le temps pour clarifier ce chapitre. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه. Selon Aïcha, elle a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie se l'est rejeté. Ça veut dire quoi متفق عليه hadith Muttafaqun alayhi. Ça veut dire quoi quand on entend ça? C'est un truc qui se répète beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui est important de connaître. Ça veut dire quelque chose d'essentiel. Ça veut dire quoi Muttafaqun alayhi? Alors, on va te dire hadith rapporté par Ahmed, hadith rapporté par Abu Daoud, hadith rapporté par Muslim, hadith rapporté par Al-Bukhari. Mais encore entendu en arabe, Muttafaqun alayhi. Tu vas l'entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais pas? Ça a été rapporté par quelqu'un? Oui, qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths marfoua sont reviennent au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais après, il y a un degré d'authenticité. Et en fonction de qui les a, on va dire, rendus connus. Parmi les grands imams du hadith, qui ont tous des grands recueils. Mais quand on dit Muttafaqun alayhi, c'est un degré particulier. Et c'est des gens particuliers. Qui sont-ils? Les compagnons? Non. De toute façon, tous les hadiths sont rapportés par les compagnons. Et c'est eux qui ont entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et je parle des imams qui ont réuni les kutub dans lesquels il y a les hadith. Les gens du hadith. Muttafaqun alayhi, c'est qui? Allah a'lam. A la coulée d'Allah a'lam. Que tu saches pas, Allah a'lam. Annak. Muttafaqun alayhi, ça veut dire quoi? Souvent, je vous pose la question. C'est pas la même chose que... Bon, après, je prononce mal en arabe. C'est... Mutawatir. Mutawatir? Ouais. Là, là. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. En plus, j'ai soufflé un gros indice quand j'ai parlé, j'ai posé la question. Mais vous deux, j'interroge pas, c'est pas la peine. C'est sûr, tu ne te rappelles pas? C'est un truc qui se répète énormément dans le hadith. Même quand tu n'es pas arabophone, tu l'entends. Quand on dit muttafaqun alayhi, ça veut dire hadith apporté communément. Qui? Qui sont ceux qui l'ont apporté communément? C'est qui? C'est pas loin. C'est très facile. C'est très très facile. Les hadiths les plus authentiques, quels sont-ils? C'est tout. Muttafaqun alayhi, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et ça, c'est le degré le plus haut d'authenticité d'un hadith. Si on te dit ça, c'est que le hadith est authentique. Il n'y a même pas à discuter. Muttafaqun alayhi, c'est-à-dire rapporté par le Bukhari dans son sahih, et rapporté par Muslim dans son sahih, et tous les deux sont sur leur condition à eux. Et il y a unanimité des savants que cela veut dire que le hadith, il est au plus grand degré d'authenticité. Il est vrai. D'accord ? Je te reposerai la question, Inch'Allah. Muttafaqun alayhi, rappelle-toi bien. Donc ce hadith, il est Muttafaqun alayhi. وفي رواية لمسلم donc là maintenant c'est مسلم qui s'est individualisé avec une version du hadith قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد celui qui agit d'un acte qui n'est pas de notre affaire معنا من ديننا de notre religion cela est rejeté donc le hadith ça a été rapporté par Aïcha qui est son père c'est qui le papa d'Aïcha oui tu sais Tu sais. Je veux t'entendre le dire. C'est qui le papa de Aïcha ? Tu le connais ? Un grand compagnon, le plus grand des compagnons. Plus grand que Omar. Avant Omar, c'est qui ? Il y en a un seul avant Omar. Omar, c'est le deuxième. Qui avant Omar ? Qui est le premier qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les hommes ? Lorsque le prophète a été envoyé avec le message et la prophétie, qui est le premier qui a cru en lui ? Et qui est le premier qui a succédé à son autorité sur les musulmans ? Et qui est le premier à avoir été enterré auprès de lui ? Et c'est le père de Aïcha. C'est qui ? Je te donne son surnom. Siddiq. C'est qui est Siddiq ? Tu sais pas c'est qui est Siddiq ? Je te donne le début de sa kunya. Abu. Ah, là c'est trop facile là. Là tu peux pas me dire, je sais pas. Abu qui ? Abu. Je te l'ai mis sur un plateau, là. Abu Siddiq, radiallahu anhu. C'est qui ? C'est qui le plus grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Son plus grand compagnon, c'est qui ? Tu le connais ? Je sais que tu le connais. Mais je sais pas, peut-être tu penses à quelqu'un d'autre ou... T'es gêné, Allah Alem. Tu le connais. On laisse quelqu'un d'autre répondre ? Hein ? On se tourne vers quelqu'un d'autre ? Ou tu tiens à répondre ? Ou alors, on te laisse réfléchir, je t'interroge après ? Oui. Tu réfléchis ? Ouais, mais si tu réfléchis, tu vas pas écouter le ders. Hein ? Si jamais je dis le ders, tu vas pas écouter. Si t'écoutes le ders, tu vas pas réfléchir à qui c'est ? Si jamais tu réfléchis à qui c'est ? Tu vas pas écouter Ders. On demande aux frères de répondre. Hein? Abu Bakr. Abu Bakr. Et comment il s'appelle Abu Bakr? Ça aussi, je te l'ai déjà interrogé à ce sujet-là. Non. Plus facile qu'Abdurrahman. Abdullah ibn Othman. Taïb. Donc c'est lui le papa de Aïcha, Abu Bakr. Donc قال من أحدث أي ابتدع والبدعة هي ما أحدث في الدين ولا دليل عليه من الكتاب والسنة. Donc la bid'a, ce qui est voulu par là, c'est la bid'a en religion. Tout acte qui est pris comme acte de dévotion pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et qu'il est basé sur aucun dalil, ni le kitab, ni de la sunna, que le prophète n'a pas fait, et ainsi de suite. C'est une bid'a. Et toute bid'a est rejetée. Celui qui fait une bid'a en religion, cet acte auprès d'Allah Azzawajal est rejeté. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans la façon de faire, dans le nombre, dans le lieu, ce qui s'ensuit, il fait une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite. Ou n'a pas faite comme lui l'a faite, ou a rajouté, ou a enlevé dans ce qui méritait un nombre précis, ou qui a rajouté dans ce qui méritait un nombre précis, ou rien dans les cas. Alors lui, cet acte est rejeté, aussi soit sincère soit-il. Car, shurut qabul l'amel, shartan asasiyan. Il y a deux conditions initiales pour accepter un acte en islam. En islam, j'y ai donné une partie. C'est quoi ces deux conditions ? Al-niya, innam al-amal bin-niya. Et deuxième, l'acte, qui soit en conformité avec la sunna. Encore la ta'ala, أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré ce que Allah ne leur a pas permis? C'est-à-dire qu'en religion, les actes d'adoration, avant de les faire, on doit avoir un dalil. Tu ne fais pas un acte d'adoration sans avoir un dalil. C'est-à-dire que la base dans les adorations, c'est l'interdiction. Tu n'agis pas tant que tu ne sais pas. Et la règle dans les choses de la dunya, c'est que tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Tant que tu n'as pas un verset ou un hadith qui dit que telle chose est interdite, dans les nourritures, dans les vêtements, dans les choses, c'est la permission. Et l'ibadat, c'est le contraire. Tu ne fais aucun acte tant que tu n'as pas une preuve que cet acte est légiféré. Sans quoi tu vas faire une bid'a, tu vas te perdre. Comme encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَكُلْ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلْ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Que toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu. Et la bid'a, c'est ce que Shaitan lui préfère. Parce que quand tu fais une bid'a, tu crois que tu fais du bien. Donc tu ne te repens pas. Et cette bid'a, elle implique, que tu le veuilles ou non, que tu vas compléter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas achevé. C'est comme si tu disais que le prophète n'a pas fait ça, mais moi je vais rajouter parce que c'est mieux. Donc tu te permets de le dénigrer en fait. Même si les gens vont dire non, j'avais de la vie, je suis en faisant ce que tu fais là, tu le dénigres parce qu'on est en train de dire qu'il n'a pas complété son message. Il n'a pas fini. Dans le Coran, Allah il dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam ad-dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous mon bienfait, votre religion, et parachevé pour vous mon bienfait, et choisi l'islam pour vous comme religion. Donc la religion, elle est complète, finie. Il n'y a rien à y rajouter. Donc celui qui veut rajouter quelque chose, khalif ad dalil. Après lui, bien sûr, il ne va pas dire moi je veux khalif ce dalil. Non. Il va faire ce qu'on appelle un estirsen, il va dire c'est une bonne chose. Mais en fait, c'est pas bon. Et c'est comme ça qu'on détruit la religion. En y ajoutant ce qui n'en fait pas partie. Hein? Tu finis par la. Demain, tu as une maison, elle est faite, elle est finie. On te dit c'est bon, la maison elle est finie, elle est comme ça. Tout le monde la voit. Après, quelqu'un vient, il change la couleur, il change les emplacements. T'arrives, tu la reconnais plus, la maison. Peut-être tu la reconnais parce que c'est la même adresse. Mais quand tu rentres dedans, tu dis, oh, je n'ai jamais vu ici. Si, c'est la maison que tu as vue la dernière. Tout. Je dis, mais non, elle était bleue, là, elle est rose. Ça, c'était ici, il n'y pas ce mur-là, il n'y pas ci, il n'y pas ça. Je ne reconnais pas la maison. Tu me dis, si, c'est celle-là. Bah, tu l'as changée. Tu vois, tu l'as rénovée. Et bien, la religion, c'est pareil. Quand tu rentres dedans, tu dois la reconnaître. Et malheureusement, c'est une chose par laquelle on est éprouvé en cette Oumma, c'est l'irtilaf ad-din qui a amené à beaucoup de bida, ce qui nous a amené à nous diviser. Et comme je vous disais tout à l'heure, Shaitan préfère la bida au marsiya parce que la marsiya, celui qui l'a fait, il se repent, il sait qu'il ne fait pas un bien. Alors que la bida, celui qui l'a fait, il pense qu'il fait un bien. Donc il se perd, il perd les gens avec. Et en plus, il se permet de parler au nom d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il faut retenir de ce hadith, c'est que toute innovation que tu fais, elle est rejetée. Que tu sois celui qui l'a innové ou que tu sois celui qui suit celui qui l'a innové. Parce que là, il va dire, moi, je ne l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai fait. On dit, oui, mais tu as fait un acte qui est externe à notre religion. Donc, c'est rejeté pareil. Et également, la bid'a, min al-kaba'ir. Non, mais les grands péchés. C'est pas tout simple. Et oh, c'est une bid'a, c'est rien. C'est rien. C'est grave. Vous voyez, c'est grave. Après, les bid'a, c'est pas tout pareil. Tu en as qui sortent de l'islam. T'as des bid'a qui sont kafira. Et bien sûr, t'as des bid'a même qui sont pas kafira, mais qui sont pires que d'autres. Bien évidemment. Mais la plus petite bid'a est toujours grave, et elle commence petite et finit par plus grande encore par la suite. Quand tu t'y adonnes. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'innover en religion. قال فوائد الحديث أن العبادة إن كانت خالصة لله لا تصح إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'adoration, même si elle est basée sur la sincérité, elle n'est pas valable tant qu'elle n'est pas en conformité avec l'enseignement prophétique. ثانيا تحريم الابتداع في دين الله ولو عن حسن نية, qu'il est interdit d'innover en religion même si tu as une bonne intention. ثالثا أن كل بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي باطلة, que toute innovation qui n'a aucune origine en religion est fausse. رابعا أن كل عقد على محرم فهو باطل, et que tout accord que tu auras fait sur une chose qui est illicite, un pacte, un engagement, et eh bien cet acte, ce pacte, il est caduc. خامسا أن الأصل في العبادة التوقيف ولا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. Comme on dit tout à l'heure, que la base dans les adorations, c'est qu'elles sont توقيف, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur un dalil. Tu ne peux la faire si tu n'as pas un dalil. Sans quoi tu ne la fais pas. Ça, c'est le ilm, savoir est-ce que tu peux le faire ou pas. Et donc, cela n'est faisable qu'avec ce que Allah Azza wa Jal a légiféré. Et ce qu'il a légiféré, on le sait qu'à travers son livre, ou à travers la sunna de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Taïb. Fadhal adhiya khadna l'yom. Naktafi bihad al-qadr. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.